savoir où tu vas, de chercher dans ton cœur où tu places ton bonheur. Il est temps pour toi de reconnaître que tes pas ne te conduisent plus sur le chemin du salut. Il est temps de plier les genoux, de cesser de paraître honnête. Tu sais bien que ton Dieu voit tout. Il est temps de purifier ton cœur. Toi qui as le cœur partagé, il est temps de visiter ma vie, je te laisse sonder.